Information de dernière minute. Le nom et le visage de l'origine du monde de Gustave Courbet vient d'être dévoilé. Un siècle et demi après sa création, en 1866. Lors de notre précédent voyage, en 1878, nous avions découvert comment l'écrivain Maxime Ducamp avait utilisé l'origine du monde pour continuer de discréditer Courbet, figure de la Commune, après sa mort. Il fallait à tout prix en finir avec ses velléités d'insurrection populaire et dégoûter les esprits de croire en ses révolutionnaires. D'où l'idée que l'insanité esthétique du tableau était bien la preuve de l'insanité politique de son auteur. Aujourd'hui, nous savons que la femme nue et convulsée que décrivait Maxime Ducamp se nomme Constance Quéniaud, ancienne danseuse et maîtresse du commanditaire de l'origine du monde, le diplomate ottoman Khalil Bey. C'est à nouveau à la faveur d'une lettre qui voulait discréditer le communard Courbet que nous découvrons cette identité. En juin 1871, Alexandre Dumas fils, engagé contre la Commune de Paris, écrit à Georges Sand pour déblatérer sur Courbet et ajoute au tableau des reproches « On ne peint pas de son pinceau le plus délicat et le plus sonore l'intérieur de Mademoiselle Quéniaud ». Cette révélation à rebours, loin de déshonorer la dame, à la façon du revenge porn, lui rend un nom et un visage. Elle redevient donc sujet. Le sujet émancipé de ses désirs qui sourit à la face de tous les hypocrites.